Premier jour déjà, il sentait le mal qui poussait en lui, un peu comme un fruit banal. Il tenta en vain d'extraire le venin de son sang, mais c'était comme se vider lui-même de son sens. Le fruit avait, c'est vrai, des côtés positifs, il le rendait malin, mûrissant, susceptif. Mais le feu ne sait que soigner à la surface, et il aimait voir son reflet dans la glace. Premier jour déjà, c'est pas les Mirabelles. Il était fou comme un oiseau sans ailes. Un oiseau sans ailes. Il était fou comme un oiseau sans ailes. Il était fou comme un oiseau sans ailes. Il était fou comme un oiseau sans ailes. Il était fou comme un oiseau sans ailes. Solidaire, la nature est rude, elle est parfois même austère. Il n'avait pas entendu parler du profit qui allait lui changer la face, le profil. Il décida vite de stopper son errance, puis il se concentra bien sur les différences. Le mal était fait quand au fur et à mesure il ne bâtissait plus des ponts mais des murs. À l'époque déjà, oublie les rituels, il était fou comme un oiseau sans ailes. Un oiseau sans ailes. Il était fou comme un oiseau sans ailes. Il était fou comme un oiseau sans ailes. Il était fou comme un oiseau sans ailes. Il était fou comme un oiseau sans ailes. Il était fou comme un oiseau sans ailes. Il était fou.